Pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, j'ai commis une faute morale, je ne suis qu'un vilain pécheur. Pardonne-moi, peuple de France, oui, j'implore ton pardon pour avoir employé des membres de ma famille. N'empêche que j'ai rien fait d'illégal, j'ai parfaitement le droit d'embaucher ma femme et mes gosses, bon Dieu. J'ai le droit, j'y ai droit, et puis c'est tout. C'est pas des journalistes qui vont me faire la leçon. Pour mes actes de favoritisme, je promets de me fouetter 20 fois tous les soirs jusqu'au premier tour de la présidentielle. Si jamais je suis au second tour, je m'engage à faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, pieds nus comme les pauvres qui servent notre Seigneur. Jamais je rembourserai quoi que ce soit, ce fric on me l'a donné, j'avais le droit d'en faire ce que je voulais. J'aurais pu le filer à mon clébard si j'avais voulu. Je vais pas me laisser pourrir la vie pour un truc légal, merde. Elle a siphonné 300 000 euros, Jean-Marine. Comment c'est possible, elle qui se vante d'être clean? Elle qui a grandi en héritière à Montretout. Que montre-t-elle ici qu'elle a encore piqué des sous? Aïe, aïe, aïe, aïe, tête haute, main propre. Aïe, aïe, aïe, aïe, comme Pénélope. Aïe, aïe, aïe, aïe, sans compromission. Aïe, aïe, aïe, aïe, comme François Fillon. Admettez que ce serait dingue si l'espérance de vie augmentait à 1000 ans. 1000 ans! La droite pourrait passer la retraite à 860 ans. Ouais, François Fillon, ça lui mettrait un peu de baume dans l'interface, le pauvre, évidemment. Il pourrait revenir frais comme un gardon pour les présidentielles de 2218. Désolé, monsieur Arditi, mais voilà. Si on vivait 1000 ans, le slogan de campagne serait différent. Mais le changement, on a le temps. La France n'est pas pressée. La gauche, si on essayait 2 siècles. Et d'après l'arbitrage vidéo, il n'y a pas eu d'intention de commettre l'irréparable. D'abord, d'après l'arbitrage vidéo, on va tous se calmer. On vous demande pas de juger si Benzema était hors-jeu contre le Barça. Et puis quand vous dites c'était purement accidentel, Maître Gabès, sauf votre respect, on n'a pas la même définition de l'accident, je pense. Hein. Tâcher sa chemise avec du ketchup, c'est un accident. Rentrer dans une voiture, c'est un accident. Envoyer un emoji aubergine à son ex-bourre à 1h du mat, c'est un accident. Mais on ne sodomise pas quelqu'un avec une matraque par accident. On pourrait tout simplement organiser un dispositif qui serait assez proche de l'Erasmus où des familles de Français pourraient accueillir des députés en perte de connexion. Alors on n'appellerait pas ça rendez-vous en terre inconnue, mais rendez-vous en terre de base, en terre moyenne. Et là, ça aurait permis certainement à M. Fillon de se rassurer, notamment par rapport à cette notion de légalité. Voilà, je sais qu'il a beaucoup parlé de la légalité, alors qu'il aurait certainement vu que chez les Français, la légalité, les Français n'y sont pas du tout attachés. La plupart fument du shit, ils téléphonent au volant, ils travaillent au black, ils pêchent des oursins en dehors des mois en R et surtout le pire, en Haute-Saône, certains se permettent encore de ramasser des myrtilles avec un peigne. Tout de suite la météo, Stéphanie Fromentin. Aujourd'hui, attention, sur le littoral atlantique, des vagues qui vont fouetter. Un peu plus tard, les orages vont s'abattre sur l'ensemble du pays, ça va claquer. Merci Stéphanie. Silence Delvaux. On attend de la grêle aussi en Alsace.